en puissance, hein, c'est le troisième couplet, alors. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin, c'est la dernière semaine avant la rentrée scolaire, donc profitez-en bien. Nous sommes le 27 août, nous souhaitons une bonne fête au Monique, ça vient du grec signifiant solitaire. Monique est une femme simple et naturelle qui a les pieds sur terre. Le 4 qui la caractérise est d'ailleurs en rapport avec la planète Saturne et les signes de terre et lui confère un caractère affirmé, peu influençable ainsi qu'une volonté ferme et le sens des initiatives. Le 4 étant karmique, elles adoptent une attitude extrémiste dans leur travail. Dans son travail, c'est mieux. La plupart du temps, elle a du mal à s'arrêter lorsqu'elle commence quelque chose et y met de l'acharnement. Parfois cependant, les blocages ou les inhibitions seront tellement forts que la conduite inverse apparaîtra, laxisme ou fuite de l'effort par peur de l'échec. En effet, de nature réfléchie, solide, franche et honnête, elle tend malgré tout à douter d'elle-même et à se fermer dans une apparente froideur qui dissimule une hypersensibilité gênante. Ennemie de la superficialité, c'est une personne fiable sur laquelle on peut compter et qui ne manque pas à sa parole. Sa moralité est stricte et ses principes sont exigeants. Elle peut d'ailleurs manquer de tolérance. Elle estime que ce qu'elle peut faire, est aussi à la portée des autres. L'association du 4 et du 5 n'est pas vraiment facile puisque la première tendance la pousse à rechercher la sécurité et à se rassurer dans une vie sédentaire et routinière, alors que la seconde la pousse au changement et à l'aventure, l'idéal étant pour elle le changement dans la continuité. Elle sait prendre des risques réfléchis et le cas échéant saisir les opportunités avec dynamisme, esprit d'initiative, tout en déployant son importante capacité de travail. Douceur, artifice, tolérance et soumission ne sont pas son fort. Dicton du jour, soleil rouge en août, c'est de la pluie partout. Célébration internationale en Moldavie, c'est la fête nationale. Et ça s'est passé en 27 août 1991, déclaration d'indépendance de la Moldavie. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec les Sex Pistols et leur titre God Save the Queen. Moron, potential hate bomb. God save the queen. Les Sex Pistols sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 27 août 1944. Naissance de George William Bailey, acteur américain, vu dans les différents Police Academy, dans le rôle de Thaddeus Harris, Short Circuit, la série télé Starsky & Hutch, MASH, The Closer ou encore Major Crimes, dans le rôle du lieutenant Provenza. 1952, naissance de Paul Rubens, acteur américain, créateur et interprète du personnage Pee-wee Herman, vu dans Batman Le Défi ou encore la série télé The Blacklist dans le rôle de Monsieur Vargas ou encore Gotham. 1953, naissance de Peter Stormare, acteur suédois, vu dans Fargo dans le rôle de Geir Grimsrud, Le Monde Perdu de Jurassic, Armageddon dans le rôle de Lev Andropov, l'astronaute russe, Bad Boys 2, Les Frères Grimm, 22 Jump Street, la série télé Prison Break dans le rôle de John Abruzzi, Monk, Entourage, Hawaii 5-0 ou encore Arrow. 1956, naissance de Glenn Matlock, musicien britannique, bassiste du groupe Sex Pistols. 1962, naissance de Gustave Kervern, acteur, scénariste, réalisateur français, réalisateur et scénariste du film Louise Michel, Mammouth, Le Grand Soir, et vu en tant qu'acteur dans Delphine 1, Ivan 0, Louise Michel ou encore Mammouth. 1976, naissance de Sarah Chalk, actrice canadienne, connue pour son rôle du docteur Elliot Reed dans la série télé Scrubs, son rôle du docteur Stella Zinman dans la série How I Met Your Mother, vu également dans Cougar Town dans le rôle d'Angie Leclerc ou encore Grey's Anatomy. C'est également l'année de naissance de Carlos Moya, ancien joueur de tennis espagnol ayant fait carrière de 1995 à 2010, qui a été numéro 1 mondial le 15 mars 1999, qui a gagné une fois Roland Garros, une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à l'US Open et 8e de finaliste à Wimbledon. Il a remporté une Coupe Davis en 2004 et il s'est reconverti en tant qu'entraîneur, notamment de Rafael Nadal. 1979, naissance de Sarah Neufeld, musicienne canadienne du groupe Arcade Fire. C'est également l'année de naissance d'Aaron Paul, acteur américain, vu dans Mission Impossible 3 dans le rôle de Rick, Need for Speed dans le rôle de Toby Marshall, la série télé Urgence, Esprit Criminel, Bones ou encore Breaking Bad dans le rôle de Jesse Pinkman. 1981, naissance de Cher Maxwell, footballeur brésilien ayant fait carrière de 2000 à 2017 en jouant à Cruzeiro, à l'Ajax d'Amsterdam, à l'Inter de Milan, au club d'Empoli, au FC Barcelone et enfin au Paris Saint-Germain. 1985, naissance de Kayla Ewell, actrice américaine, vue dans Amour, Gloire et Beauté dans le rôle de Caitlin Ramirez, Entourage, Vampire Diaries dans le rôle de Vicky Donovan, Dr House ou encore Lucifer. En 1991, décédé Vince Taylor, chanteur de rock britannique. En 1996, décédé Greg Morris, acteur américain, célèbre pour avoir interprété Barney Collier, l'expert en électronique dans la série Mission Impossible. Et en 2015, décédé Pascal Chaumeil, réalisateur français à qui l'on doit L'Arnaqueur, Un Plan Parfait, plusieurs épisodes des séries Avocats et Associés, Fais Pas Ci, Fais Pas Ça. Il a travaillé également sur le film Léon, Jeanne d'Arc, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2 ou encore Le Cinquième Élément. Allez, petite pause musicale avec Arcade Fire et leur titre Wake Up. Wake Up du groupe Arcade Fire sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h45 et on fait un point météo. La météo. Alors, la météo sera un petit peu bizarre hein, aujourd'hui. Pour l'instant, on a des éclaircies, peut-être quelques averses de pluie à prévoir au fil de la journée. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés cet après-midi. Pour mardi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour mercredi, on aura une journée mitigée, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin. Et entre 25 et 27 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et en ce lundi matin, on va parler football, basket, athlétisme, Formule 1, VTT et tennis. Tout d'abord, en football, le mondial U20, les Françaises ont terminé quatrième de ce mondial. Les résultats de la Ligue 1, Lyon s'est imposé 2-0 face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Angers. Amiens s'est imposé 4-1 face à Reims. Montpellier et Saint-Etienne ont fait match nul 0 partout. Nantes et Caen, match nul, 1-0. Dijon s'est imposé 4-0 à Nice. Toulouse s'est imposé 1-0 à Nîmes. Lille s'est imposé 3-0 face à Caen. Bordeaux s'est imposé 2-1 face à Monaco. Et enfin, Marseille et Rennes ont fait match nul, 2-0. En Ligue 2, Nancy n'y arrive toujours pas. Défaite 1-0 face à Niort. Et Metz s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Troyes. En National 2, Épinal s'est imposé 1-0 à domicile face à Haguenau. En National 3, Thaon-les-Vosges s'est imposé 2-0 à Strasbourg-Vauban. Et Raon-l'Étape a fait match nul 2-0 face à Saint-Louis-Neuvaigue. Un mot de basket avec des matchs amicaux. Le Jet Vosges qui s'est incliné à Souffelweyersheim 69-64. Et Mirecourt, eux, se sont imposés face à Longwy 74-72. Un mot d'athlétisme pour dire avec les championnats paralympiques, la France termine avec 39 médailles, dont la moitié en or. En Formule 1, Grand Prix de Belgique remporté par Vettel devant Hamilton et Verstappen. Et les trois Français ont terminé dans le top 10. 6e place pour Esteban Ocon, 7e place pour Romain Grosjean et 9e place pour Pierre Gasly. Un mot de VTT avec la Coupe du Monde qui a eu lieu ce week-end à La Bresse. Côté élite homme, la victoire du Suisse Nino Schurter. Le Vosgien Titouan Perrin gagné, lui, a terminé 94e. Côté élite dame, victoire de la Suissesse Yolanda Neff. Pauline Ferrand-Prévot termine 4e. Et côté espoir homme, Neilo Perrin gagné a terminé 9e. Et cyclisme toujours avec la Vuelta cette fois. Hier, la deuxième étape a été remportée par Valverde. Le premier français, c'est Galopin qui s'est classé 6e. Nasser Bouani, lui, a terminé 80e. Aujourd'hui, 178,2 km entre Miras et Alorine de la Torre. Et on termine avec du tennis et c'est le début de l'US Open. Et il y a du beau monde sur les courts aujourd'hui. Côté messieurs, trois Français, Humbert affrontera Altamirano, Gilles Simon lui affrontera Harris et Jérémy Chardy lui affrontera Rublev. Stan Wawrinka affrontera Dimitrov, Nadal sera opposé à Ferrer, Murray à De Kroos, Del Potro lui affrontera Yang, il y aura également sur les courts Isner, Anderson, Raonic, Tim, Edmund ou encore Tsitsipas. Et à noter que Nicolas Mahut a été éliminé lors des qualifications, mais il nous a offert pour l'instant l'une des plus belles images de cette US Open puisque son fils est venu sur le court pour le réconforter. Et côté féminin, pas de française sur les courts aujourd'hui, mais des gros matchs, notamment les sœurs Williams. Venus Williams affrontera Kuznetsova, Serena, elle, affrontera Linette, Alep sera opposée à Kanepi, Stephens à Rodina, il y aura également Svitolina, Pliskova, Muguruza, Mertens ou encore Gorge. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Vince Taylor et le titre Brand New Cadillac. Sur RGM, il est presque 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, rediffusion de Ce qu'il faut savoir avec Antoine Midi, la bulle de l'IA consacrée à Élève, 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien, 15h, salut les 60 avec Gérard, 18h, l'heure des loups consacrée au mouvement pour la paix, 20h, le calendrier de François, minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, excellente journée à tous.